toi et moi, dressés face à face, à la merci de l'un ou de l'autre, on entre en turbulence, on se retrouve enfin, ma reine, ma souffrance, c'est la fin du chemin, le bout des inepties. Les portes nous sont closes, on ne peut échapper aux soupirs, aux regards, ni à tous nos silences. Mais je serai gentil, malgré mes impatiences, et dans ta bienveillance, je pourrai me tremper. Peut-être sauras-tu pourquoi tu m'aimes encore, pourquoi finalement je ne t'ai pas quitté. Au souvenir chagrin de nos férocités, je sais l'absurdité de nos vains désaccords. Lorsqu'en dépit des heures, dans nos bras enlacés, vieillis, nous partirons quand sera venue l'heure, alors je me dirai que chaque jour, mon cœur n'a battu que pour toi, sans jamais se lasser.